détruisent quoi? Vous enterrez les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició de Hola La Music, música en francès, amb Rafael Corbí. El programa d'avui, un dels nostres espais aleatoris a música, amb els nostres col·laboradors i amb les brillants cançons que ens arriben a càrrec de diferents artistes. Avui escoltem música diversa, amb protagonistes com, per exemple, aquesta cançó. Jeanne Mas, una cantant francesa d'origen espanyol, que va tenir un èxit impressionant durant els anys 80 al país francès, convertint-se en un autèntic fenomen social gràcies al seu tema Tu Premier Fort del 1984. I l'escoltem amb Johnny Johnny. Comment survivre sans ça?

Ce soir viendra la chercher. Ils iront dîner, peut-être au ciné, puis l'amour fatigué. Devant la télé, dans les draps brodés, c'est vraiment pas de elle pour la fille du motel. Així escoltàvem aquestes dues grans cançons, en Jack Vrells i en Eddie Mitchell, en Claude Monk, més conegut amb aquest pseudònim, també anomenat Schmoll, al seu moment ens portaven aquestes dues cançons. Hola, la música, amb Rafael Corbí. El meu bon amic Ciril Torres, col·laborador habitual d'aquest espai, em va deixar una sèrie de cançons per si mai no podia fer la seva col·laboració. És el cas d'aquesta setmana, que no pot estar amb nosaltres. Però alguna de les seves propostes, alguna de les seves recomanacions ens ha quedat ben present, com per exemple el dia que em va portar aquesta versió que fa una cantant nascuda com a Grace Mendoza, a Spanish Town, a Kingston, a Jamaica, aquesta model cantant i actriu nascuda el 1948. Es tracta de la Grace Jones, que ens portava la seva particular versió de la Vie en Rose. Je sens Arriben al final d'aquesta cançó i sobrepassant la meitat del nostre espai, Olala Music, amb una nova edició, amb aquest espai que us acostem de manera més o menys també setmanal i que en diverses emissores se us acosta per portar-vos la bona música que es canta en francès. Tal com he dit sempre des del principi d'aquest programa, no sóc un entès en música en francès, ni tan sols l'idioma se m'escau d'aquella manera tan perfecta, però s'intenta portar-vos el que són les bones cançons amb aquest estil musical, perquè notàvem que faltava. I cançons com aquestes, sens dubte, ens ho demostren. Aquesta és l'edició 23 del nostre programa. En el primer vàrem tenir el plaer d'escoltar una versió excepcional d'un tema que us sonarà moltíssim. I aquesta cançó ens l'han demanat diverses vegades que la tornéssim a escoltar. Ho fem avui. És Tiken Ja Fa Coli. Ens la va portar en Cyril Torres. African a Paris. Je pense à toi, je t'écris d'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Chapter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Tout n'est pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. African a Paris, aquesta versió d'aquest Englishman in New York de Sting amb Tiken Ja Fa Coli, que una vegada més ens arribava a nosaltres. Florent Pagny últimament s'ha convertit, des que el vàrem descobrir també amb el nostre espai, amb un personatge, aquest cantautor nascut el 1961, dels destacats de la nostra programació. Sous Mesure és un tema del seu àlbum del 2003.

Ritme ballable, una bona cançó per seguir el ritme amb la seva música. C'est pour danser non-stop. Eric Bruta Tinel. Ha estat la col·laboració d'en Hamid amb aquesta cançó que ens obsequiava. Estem ja a la recta final del nostre espai i ens queden un parell de cançons ben justes. Des del 2017 i l'àlbum Res, Charlotte Gainsbourg, Dance Vos Elk. Sur des branches, je me perds. déserts, dans vos déserts, vos habits. Doncs serà fins la propera edició de Hola la Music. M'acomiado amb una darrera cançó per al programa d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Cormí. Monpey en Claudio Cabello. Serà fins la propera. Moltes gràcies. És una cançó del 2016. A reveure. Je les entends venir au loin, venir pour tout saccager. Je n'ai pas d'autre choix que de laisser derrière moi tout ce que j'aime et tout ce que j'ai été. J'ai grandi dans la vallée, au milieu des champs de blé. Seul devant ces barbelés, je suis ce naufragé qui ne sait même pas nager. Oh mon Dieu, non, je ne mourrai pas ici, non, je survivrai à la folie, je partirai pour pouvoir un jour à nos enfants tout raconter. Et je dois te dire adieu à mon pays. Mais sauras-tu me pardonner? Ça me tue de t'abandonner à mon pays. Je t'ai tant aimé. Souvenir des mariages, des fêtes de famille au village. Tout le monde était heureux jusqu'à ce que ces fous furieux viennent et se prennent pour Dieu. Comment pourrais-je oublier toutes les larmes versées? Je les revois toutes alignées en train de prier jusqu'avant de tomber. Oh mon Dieu, non je ne mourrai pas ici, non je survivrai à la folie, je partirai pour pouvoir un jour à nos enfants tout raconter. Je dois te dire adieu, mon pays. Mais sauras-tu me pardonner? Ça me tue de t'abandonner. Oh mon pays, je t'ai tant aimé. Comment pourrais-je oublier toutes les larmes versées? Seul devant ces barbelés, je suis ce naufragé qui ne sait même pas nager. Oh mon Dieu, non je ne mourrai pas ici, non je survivrai à la folie, je partirai pour pouvoir un jour à nos enfants tout raconter. Je dois te dire adieu. Je survivrai. je dois te dire adieu.